Voici le signal horaire du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera exactement lundi, heure normale de l'Internet. Oh, oh yes! En manchette cette semaine, David nous parle de Be Kind Rewind ou comment donner du temps d'écran aux films amateurs. L'assiette qui sonde de retour pour nous parler de Noël et la toune de Ghostbusters nous inonde d'ectoplasme qui est un très beau. Inonde d'ectoplasme, ça se prononce mal, je trouve. Non, non, c'est très beau. Bonjour à tous, bienvenue à ce super deuxième épisode des... J'ai pas mis super où je voulais, mais c'est pas grave, des podcasquettes! Oui, alors les petits podcasts, les podcasquettes, on vous l'explique la dernière fois. Donc... la semaine passée. Oui, c'est ça, la semaine passée. T'en rappelles-tu? Non, non. Non, non. Donc, je suis Oli, et comme je suis pas narf, je dirais pas que je suis grandiose et extraordinaire, je suis juste comme l'animateur de ce coup-là. Et on a David. Moi, je suis encore légendaire. Et narf. Moi aussi, je veux être légendaire. Non, ouais. T'es dans un bébé là, là. On fera roche, papier, ciseaux tantôt. Ok. Mais David va gagner parce qu'il va faire comme une roche légendaire. Ouais. Fait que, David... Moi, je vais faire shotgun. Roche, papier, shotgun. C'est bon, c'est bon. David, tu nous parles du super film Be Kind Rewind. Ouais. When you're walking down the street and you see a little ghost, what you gonna do about those bastards? Ok, wow. Tout le monde, attends, ok, c'est beau. C'est ça que j'essayais. Évidemment, tout le monde l'a reconnu, c'est la chanson thème de c'est pas la chanson thème du film de Ghostbusters. Non. Mais celui de la version Sweded. Ah que, oui. Mais en fait, en français, c'est comme la version suissée. Quoi? Comme le fromage. Non, non, non, comme le pays. Ouais. Ah, ok. En tout cas, c'est ça. C'est quoi le rapport? Ben, c'est ça, genre les films qui refont amateurs, c'est comme des versions Sweded. Des versions suédoises? Non, c'est juste un verbe. En tout cas, écoute le film pour le savoir, là. Fais-moi pas perdre mon temps. C'est quoi le rapport avec la Suisse? Il y en a pas. Okay. Écoute. Parfait. Ok, ça. Dans le fond, en gros, l'histoire, c'est que dans un petit. L'histoire de Be Kind Rewind, c'est un petit club vidéo. Qu'il y a des gens dedans puis qui vendent, qui louent des VHS, mais c'est comme la dernière place qui loue des VHS. Peut-être pas la dernière, mais en tout cas, ils ont rien que ça. Puis là, il y a une madame qui veut comme voir Ghostbusters. Puis là, elle arrive, puis elle dit « Est-ce que je peux voir Ghostbusters? » Mais là, toutes les cassettes avaient été effacées. Puis là, le gars, il dit « Non, ben, je... Te... Reviens demain! » Puis là, il a parcouru toute la ville, genre, pour avoir comme une cassette de Ghostbusters en VHS, puis il n'en a jamais trouvé. Fait qu'il s'est dit, on va le tourner nous-mêmes. Puis là, il a demandé à son ami. Puis là, ils ont comme fait ça en une version, en tout cas, juste avec qu'est-ce qui se rappelait de Ghostbusters, avec des effets spéciaux cheap, avec des décors cheap, de la musique cheap, de la caméra cheap. Moi, je veux juste savoir, est-ce qu'ils ont croisé les rayons? Oui, ils ont croisé. Ok, cool. Fait que ça a fait comme une version... Faut pas croiser les rayons! fait que ça a fait comme une version cheap. Sauf que la cliente, elle a comme aimé leur version, puis toutes ses amies ont aimé leur version, puis tout. Fait que là, ils ont eu d'autres commandes pour genre tourner Rush Hour 2, Robocop, 2001, c'est de l'espace, puis plein d'affaires. Ça doit être moins drôle si on n'a pas vu les films en question, j'imagine. Non, parce que j'ai pas vu les films en question, mais c'est écœurant de voir à quel point c'est comme amateur, puis que c'est bon pareil. Mais là, c'est 2001, comme le gros. C'est de l'espace, t'avais pas vu ça? Non, c'est Rush Hour. Ah, en tout cas, non, j'ai pas vu. C'est quand même assez important de voir ça. Ouais, en tout cas. Ça, c'est comme, juste pour pas comprendre la fin. Ouais. Ça, c'est comme le gros de l'histoire. Sauf que ce qui est important de savoir, c'est que c'est cool en maudit de faire des films amateurs de même. Mm-hmm. Fait que là, je vous parle de ça un peu parce que, dans le fond, j'aurais aimé ça que la brigade fasse la même chose. Je suis d'accord. Il faudrait le faire. Je suis d'accord. Hey, je viens d'avoir une idée. Je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça live-là? On pourrait-tu faire comme un remake de film live-là, genre en une minute de ce qu'on se rappelle de, je sais pas moi, mettons, de E.T.? Je suis d'accord. Ouais. Un qu'on a tous vu. J'ai pas vu E.T. En fait, je m'en rappelle plus. Labyrinthe. De Pan. Labyrinthe. Ah, oh, peut-être Labyrinthe de Pan. Ah, oh, l'orphelinat. Ah non, ça va péter le pote. Non, on fait ça, non, on fait le labyrinthe de Pan. Labyrinthe de Pan, je m'en rappelle plus. Ouais, ça commence genre vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. Ah non, je veux pas voir les précieux, c'est pas mon putain. Le monsieur, il pogne une bouteille. Casse la gueule. Oh non, tu as-tu cassé la gueule à ma petite fille? Mais non, c'est pas la petite fille, c'est le monsieur. L'autre gars. Que tu es. Oh non, je suis un faune. Là, la petite fille va dans le labyrinthe, là. On va le faune. Oui, je suis un faune. Oh, ouais. J'existe juste dans ta tête, petite fille. Ah bon? Là, oui, pis là, il y a genre faut pas qu'elle mange les fruits, genre, mais elle mange un raisin parce qu'elle est conne. Mais il y avait le bout avec le gros crapaud avant. Ah, oh, c'était dégueulasse, le crapaud, oh, ouais. Ils sont dedans. Ouais. Mais là, on le raconte, on le fait ça, pas. Le raconte. C'est genre, c'est ça que je fais. On n'est pas bon. Ok, je vous mets le monde dedans. Puis là, après ça, c'est... Ah, je vais te couper la bouche. Pau, pau, pau, pau, pau. Dites-lui à quelle heure je suis mort. Non, pau, pau, pau, fin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que voici, ça, c'était notre suissage de labyrinthe de pas. Fait que là, on rapport avec la Suisse. Mais écoute le film, tu vas le savoir. Oh, ok, c'est des trous. On a pas su te raconter l'histoire, il y a plein de trous. Juste pour finir, ben, en fait, il est arrivé quelque chose dans le film, genre à la fin, qui m'a donné une idée de Mongol. Pas genre, ben, juste. En fait, je trouvais pas ça original de prendre exactement le même concept, sauf que j'aimerais ça peut-être faire genre. Éventuellement, un genre de théâtre un peu underground ou de cinéma, qu'on pourrait prendre les films de Brigade, puis les présenter là, puis mais pas juste ça, puis prendre aussi comme des films genre de n'importe qui seront jamais distribués ou qui ont fait des films amateurs, puis qui veulent comme se montrer quelque part. Fait que c'est comme des films amateurs, puis on pourrait comme leur donner un écran un peu underground, mais c'est pas grave. Fait que si vous avez comme des idées de scénario, ou juste pour essayer de concrétiser ce projet-là, vous pouvez toujours laisser un message sur la boîte vocale de la brigade au 514-90-PIRATE, puis on va s'occuper de ça. Ou envoyer un email à brigade.snw@gmail.com. Hey, c'est une idée weird là, que tu sors là live demain sans nous en parler. Surprise! Ben, en tout cas, fait que... Je trouve que c'est une bonne idée, mais je pense qu'il va falloir en reparler. Ouais, c'est beau, mais la brigade, ça sert à ça. On en reparlera pas pendant le podcast. Fait que, mais l'idée est bonne. Fait que c'est ça. C'est tout? C'est tout. Donc, bon, ben, c'était merveilleux de la ville, merci beaucoup. Fait qu'on va tout aller voir Be Kind Rewind, puis on va suivre plein de films. ça sonne douteux. Ouais. Ok, donc, Narf, faut pas que tu t'en ailles, hein. Oh, faut que je m'en aille, faut que j'aille prendre mon autobus. C'est pas ça, de grand chose. On va prendre mon autobus, là. Bye. Bye bye. Bon, à ce temps que Narf est parti, on peut passer. On peut parler dans son dos. Aussi. Mais on n'a pas le temps parce que. On n'a pas le temps parce que c'est des podcasts courts. Fait que. On va passer au sondage. Ouais, Narf court pour aller prendre ton autobus. On va passer au sondage de l'assiette qui sonde. Donc, cette semaine. La semaine passée. La dernière fois, on avait l'assiette qui. Qui prose. En tout cas, cette fois-là, on a l'assiette qui déblatère. Bonjour, je suis l'assiette qui déblatère. Oh, il y avait trop de syllabes, hein? Donc, qu'est-ce qu'on avait demandé la dernière fois? On avait parlé du Partino Rino. Le Néo-Rino, c'est pour les faibles. D'ailleurs, si on fait un retour sur le Parti Néo-Rino, j'ai vu tantôt, je me rappelle plus où, que le Parti Néo-Rino s'est en allé à Cuba, parce qu'ils veulent faire comme une fusion. Ils veulent, tu sais, ici, ils sont élus, ils veulent comme séparer le Québec du Canada, puis le fusionner à Cuba pour faire le Québec. Ouais. C'est vivant le Québec libre. Ouais. Ouais. Oh ouais, j'aime ça, le Québec libre! Chance que l'assiette est là. Bon. On dit qu'on faisait pas de politique. Fait que... Oh. La politique, c'est pour les faibles! Ouais. Bon. Fait que là, la dernière fois, on avait demandé des idées de propositions pour le Parti Néo-Rino. Moi, je parle trop vite, je le manque tout le temps, le nom du parti. Dernière fois... C'est dur. Ok. Puis, il y a Grand David qui nous a envoyé une réponse, parce qu'il en envoie toujours. Merci pourquoi beaucoup, parce que t'es tout seul à nous répondre. Pourquoi vous me considérez pas comme un être entier? Pourquoi vous me reniez? Pourquoi vous me parlez pas? Parce que parler à une assiette, ça fait bizarre. Parce que donc, parler à une assiette, c'est pour les faibles! Donc, David nous a dit, j'ai pensé à ça. On pourrait remplir le fleuve entre Montréal et Laval pour pouvoir annexer les deux villes pour une nouvelle vague de fusion municipale. En plus, on sauverait sur le coup des ponts, parce qu'on pourrait faire des routes entre les deux villes. C'est bonne idée, cher grand David! C'est vrai que c'est une maudite bonne idée. Il nous a dit aussi, on pourrait faire brûler le Mont-Royal pour la Saint-Jean. Ça ferait le feu de la Saint-Jean le plus hot au monde. Ça, c'est hot! Je l'avais pas lu, lui. C'est une très bonne idée, sauf que on va faire juste une Saint-Jean. L'été, pour contrer la chaleur créée par le smog, faire des barrages dans le Saint-Laurent pour inonder Montréal. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, mais on va manquer d'eau à Repentigny, hein? Pis si on manque d'eau, on peut plus laver les assiettes. Ça va être l'assiette crassée, genre. L'assiette qui crasse. Oh, wesh! C'est du breakdancing! Pis j'ai chaud, pis je sue, pis je suis pas propre. Ok, c'est bon. Pis, finalement, nous a dit, on pourrait mettre une grosse cloche en verre autour du stade olympique pour plus avoir à changer le toit. Moi? David, continue, je suis en train d'hyperventiler. Même l'hiver, on aurait un stade à ciel ouvert, sûrement une première mondiale. Et le soir, mettre des gros spotlights pour éclairer les dépôts de neige sur le dôme, ça ferait une immense boule, ça ferait une immense boule de Noël, et à l'Halloween, on pourrait la décorer en petit. Alors, let's go, Rino! C'est comme 12 pierres d'un coup. 12 pierres d'un coup! Ok, donc, on peut passer au sondage de cette semaine? Non, vous oubliez quelque chose de très très important! Ma suggestion du néo-rhino que j'ai pas fait la semaine passée! Ah ben vas-y, assieds, on t'écoute. On pourrait mettre un gros miroir devant les aéroports pour que les avions, quand ils arrivent, ils aient peur de se foncer dans un autre avion! C'est comme quand tu mets un miroir dans une cage d'oiseau pour que l'oiseau pense qu'il y a un autre oiseau. Puis qu'ils se battent contre le miroir. Ouais, mon oiseau faisait ça. Ah! Je fonce dans un mur! Bon, bref, notre question de sondage, c'est... Prochain sondage de la semaine! Ouais. L'assiette va nous dire ça. Moi? Ah oh, ouais, déblatère le sondage. Oh ouais, je déblatère le sondage! La question cette semaine, c'est... Oh! Qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Oh, c'est une bonne question, on n'a pas pensé à nous répondre. Non, ouais. Je vois Narf là-bas, là. Narf, qu'est-ce que tu veux pour Noël, toi? Tu vas manquer mon autobus! Ouais, mais qu'est-ce que tu veux pour Noël? J'ai pas besoin de rien, je veux dire, j'ai déjà tout. Pourquoi tu veux rien, Narf? Ah, j'ai pas le temps, là, je me manque mon autobus. Bon, ok, t'allais manquer son autobus, fait qu'il a pas le temps de nous répondre. Mais c'est vrai que Narf, il y a déjà tout, tu sais, je veux dire, il y a comme toutes les consoles qui existent dans le monde. Il a même eu un éléphant l'année passée à Noël, donc il a vraiment plus besoin de rien. Mais toi, Ali, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je sais pas... un camion citerne de crème glacée. Oh waouh! J'aime la crème glacée! Tu sais, David, si tu voudrais? J'aimerais pouvoir avoir l'univers pour l'offrir à la brigade. Oh! C'est pas pire, oh waouh! C'est tout. Bon, ben, là, ce qu'on veut savoir, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Hey, pis moi! Qu'est-ce que tu veux pour Noël, l'assiette? Ah, attendez, je vais réfléchir. Une tache de moutarde? Non. Une tache de ketchup? Non plus. La mayonnaise? Non plus. Un laveuse à vaisselle? Non. Céline Dion pour laver la vaisselle comme dans Petite Vie? Non. Une assiette qui parle. Madame Patate, Madame Patate, Madame Patate. Hey, vous me l'a demandé, Calice! On te l'a demandé, t'as pas répondu! Va falloir mettre Rated. Qu'est-ce que tu veux? Manger! Ouais, plus ça change, plus c'est pareil. Merci! Donc, on veut savoir, vous, cher public adoré qu'on aime beaucoup. Genre, oui, David, réponds-nous, parce que sinon on n'aura pas de réponse. Donc, David, appelle-nous, on aime ça, entendre ta voix. Les autres, vous pouvez nous répondre aussi. On veut savoir qu'est-ce que vous voulez pour Noël. Je sais pas, moi, $1 million, mais tu sais, en dollars, pour pouvoir nager dedans, n'importe quoi. Oh bon. Ouais, j'ai fait de la natation. Ça manquait de conviction. Donc, Vous pouvez nous appeler sur notre super répondeur au 514-90-PIRATE pour nous dire ça, ou nous envoyer un email, ou nous envoyer des post-it, ou n'importe quoi. Bye bye! Mettez un post-it dans l'autobus pour écrire qu'est-ce que vous riez pour Noël. Hein? Oh, concept. Bye bye, je m'en vais me coucher! Fait que là, écoute, on va finir, mais... Ah, il y a Narf qui revient, là, je le vois venir, là. C'est là, Narf? Ben, là, c'était pas de faute, là, j'ai évidemment manqué mon autobus. Ben oui. Je veux dire, on s'y attendait. Bon, ben, tu vas venir conclure avec nous, parce que... De quoi vous avez parlé que j'ai manqué? Ce qu'on voulait pour Noël, mais tu sais, on t'a crié après pour savoir ce que tu voulais pour Noël. Ah, c'est vrai. Y avait-tu quelqu'un avec vous? Ouais, non. Non, il y avait pas d'assiette. Personne. Ah, non. Ah, y avait un babalou. Hein? C'est beau. Okay. Donc, c'est ça, je sais pas comment conclure. Mais on se laisse. Je pourrais arrêter. Sur une toune. Sur puissant. La vraie toune de Ghostbusters. Ah, la vraie. La vraie. Ok, bon, on se laisse sur la vraie toune de Ghostbusters. Et on se retrouve la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas de pas croiser les rayons. Quand un fantôme accouche, ça fait un ectoplacenta. In your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. Sleeping in your bed. Oh, who you gonna call?